Chapitre 14. En ce temps-là, Hérode, le gouverneur de Galilée, entendit parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est revenu à la vie. Voilà pourquoi il a le pouvoir d'accomplir des miracles. » En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean. Il l'avait fait lier et mettre en prison. Hérode avait agi ainsi à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir Hérodiade pour femme. Hérode voulait faire mourir Jean, mais il craignait le peuple juif, car tous considéraient Jean comme un prophète. Cependant, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant les invités. Elle plut tellement à Hérode qu'il jura de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Sur le conseil de sa mère, elle lui dit, « Donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi en fut attristé, mais à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya donc quelqu'un couper la tête de Jean-Baptiste dans la prison. La tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la remit à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'enterrèrent. Puis ils allèrent annoncer à Jésus ce qui s'était passé. Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là dans une barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais les foules l'apprirent. Elles sortirent des villes et suivirent Jésus en marchant au bord de l'eau. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens et se mit à guérir leurs malades. Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et dirent « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie la foule pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Jésus leur répondit « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Chacun mangea et eut assez de nourriture. Les disciples emportèrent 12 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta seul sur une colline pour prier. Quand la nuit vint, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. À un moment situé entre 3 et 6 heures du matin, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Mais quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent bouleversés par la peur et dirent « C'est un fantôme !» Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Prenez courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. » Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua le vent, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer dans l'eau, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta foi est petite, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu !» Ils achevèrent la traversée du lac et touchèrent terre dans la région de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus et répandirent la nouvelle de son arrivée dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. On le priait de les laisser toucher au moins le bord de son manteau, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.